Et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous sommes à l'antenne, alléluia. Ouh. 52 minutes de retard, c'est énorme. Et oui, nous y sommes. Après presque une heure, nous y sommes. Bon, bah, bienvenue à tous sur Radio Antigone. Et du coup, j'ai plus mon générique parce qu'il est parti avec la morse, juste après la morse. Super. Je on m'amuse bien. C'est pas grave, hein, on y va direct, hein, on roule. Hein. Non, mais je l'ai en deux secondes, mais bon, voilà, hein, il faut combler, comme on dit, bah, on a l'habitude. Moi, je vais combler, si tu veux. Donc déjà, bonsoir à tous, bienvenue dans la case du soir, il est 18h bientôt 53, vous êtes en direct sur Radio Antigone, et vous l'avez compris, il y a eu un gros pépin technique ce soir qui nous a empêché de faire du direct jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à l'heure de maintenant, ce qui fait que nous n'avons pas pu diffuser votre radio journal de 18h, et nous en sommes sincèrement désolés. Mais vous aurez un point complet d'information à 19h préparé par votre humble serviteur. Et à partir de 19h30, 19h40, selon comment on va pouvoir se rattraper, édition spéciale autour de l'allocution d'Emmanuel Macron à suivre évidemment en direct sur Radio Antigone. J'espère que ça va bien de votre côté. Nous sommes le lundi 13 avril, c'est le lundi de Pâques, il fait beau, il fait bon. Et c'est l'heure du début de la case du soir. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case Talk d'Enzo. Non, c'est pas la case Talk, mais la case Bug du soir. Bienvenue à tous, merci d'être sur Radio Antigone avec nous jusqu'à 20h30 à peu près, avec en édition spéciale. Mais avant, la case du soir continue, ou devrais-je dire commence. Voilà, nous excusons oui. Encore de ces petits problèmes techniques. Alors, on va complètement aménager le programme. Je vous avoue que du coup, la musique n'est même pas prête. Mais ce n'est rien, le programme du jour. On va, je pense, faire sauter le quiz et mettre la case d'avant. Est-ce que ça vous va à la place? Impeccable. Oui. Très bien. Ça va très bien. Je vous propose également, donc, à la place de la chronique de Mad, ça c'était prévu, on fait le programme TV. Allez, on fait ça, et puis il est 54, donc on fait tout de suite le programme TV, parce qu'on n'a pas le temps pour la case d'avant, mais on le fait tout de suite. J'ai absolument rien préparé, mais allons-y. Très bien, bah, tu saisis vite le programme TV, et puis tu sélectionnes un ou deux programmes que tu veux nous partager. Ouais, que j'ai improvisé. Hein. Voilà, on n'est pas à ça. Ce soir, tout le monde va être en impro. Donc, ce que je voulais dire, qui est là ce soir? Nous avons bien sûr Antoine, qui est toujours là. Bonsoir Antoine. J'essaye d'être là. Tu es là. J'essaye. Nous avons aussi Adam, un petit nouveau que nous n'avons jamais vu sur Radio Antigone, en tout cas dans nos émissions La Case du Soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors si, on m'a déjà vu une fois, j'ai fait une petite intrusion... Oui, Antoine. On l'a déjà croisé, le petit Adam, on l'a déjà croisé. Oui, mais pas très souvent, et c'est bien qu'il revienne un peu. Ouais. Il nous proposera une chronique à une heure totalement inhabituelle, 19h40, donc après la fin de l'émission. Mais sachez que nous sommes ensemble donc jusqu'à environ 20h30, ou en tout cas jusqu'à la fin de l'allocution d'Emmanuel Macron. Nous vous ferons un petit débrief. Je vous rappelle qu'il s'exprime à 20h02 précise, et nous suivrons cette allocution d'Emmanuel Macron en direct sur Radio Antigone, bien sûr. Ça sera suivi d'un débriefing de toute l'équipe. Voilà, vous êtes prêts pour l'émission? On y va? On y va. Mon kiki. Allez, c'est parti, le programme TV. Le programme télé. Comme chaque jour, pardon, oui, chaque membre de l'équipe donnera son conseil TV, vous donne son conseil TV, pardon, un programme que vous pourrez bien sûr regarder ce soir, après l'allocution d'Emmanuel Macron, si les programmes ne sont pas trop perturbés, en tout cas sur les chaînes de la TNT, il ne devrait pas y avoir de problème. Antoine, un premier programme que tu nous proposes? Bien sûr, enfin j'en ai même sélectionné trois, mais un sur France 3. C'est donc un film, c'est L'Armée des Ombres, un film réalisé par Jean-Pierre Melville. Donc c'est un film de 69, je vous fais un speech hyper rapide. À Paris en 42, Philippe Gerbier, figure de la résistance, s'évade lors de son transfert au QG de la Gestapo et rejoint son réseau à Marseille. En gros, après, avec ses compagnons, il supprime celui qui l'a dénoncé. Et en gros, c'est un film vachement intéressant, vachement passionnant. Et c'est l'un des plus grands films qui a été fait sur la résistance. Également pour ceux qui aiment bien l'histoire également, mais plus ancienne, sur RMC Découverte, oui tout à fait, il y a un très beau reportage sur les secrets du château de Vaux-le-Vicomte, c'est en Seine-et-Marne, juste à côté de Melun et Fontainebleau. C'est la plus importante propriété privée de France, qui est classée au titre des monuments historiques. Et les jardins ont été dessinés par Le Nôtre, ce qui n'est pas rien. Et puis très rapidement, pour ceux qui aiment bien les voitures, sur RMC, non, sur la chaîne L'Équipe, pardon, il y a une rediffusion d'un vieux Top Gear. Alors, Top Gear avec encore Jeremy Clarkson, donc c'est dire si c'est vieux. Et ils vont tester la M3, l'AMG 663 et l'Audi RS4. Voilà. Donc, c'est éclectique. Voilà. Très bien. Merci, Antoine. Pardon, là, je mets des gros blancs aujourd'hui. Effectivement, un épisode de Top Gear, l'épisode 9 de la saison 10 qui se nomme Les Super Berlines. Voilà. Tout à fait. Donc on n'ira pas en Allemagne à Berlin, mais vous pourrez quand même voir des berlines. Alors sur ce jeu de mots totalement nul, je me propose d'enchaîner et je remonte deux chaînes, non, je remonte pas du coup, je descends deux chaînes après sur RMC Story avec deux documentaires sur le Titanic. Un premier qui se nomme Titanic, la vérité sur le naufrage, et celui-là est inédit. Voilà, un documentaire d'environ 1h30. Et oui, c'est écrit en plus, super. C'est bien parce que c'est écrit, je m'embête à calculer. Voilà, oui. Un documentaire avec des images d'archives. Et il est inédit, donc c'est sur RMC Story. Je vous rappelle que c'est le canal 23. Et donc à 22h25, juste après, un deuxième documentaire sur le naufrage du Titanic. C'est de la série Hors de Contrôle. Et celui-là est une rediffusion. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous proposer pour les plus nostalgiques qui souhaiteraient revoir des séries qui ont marqué les années 2000, Doctor House, rediffusion de Doctor House à partir de 21h sur TF1 Série Film, canal 20 de la TNT. Adam, as-tu un programme à nous proposer ? Eh ben oui, j'ai quelques programmes à vous conseiller ce soir. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont sur le même bloc de chaîne, avec tout d'abord sur la 10 X-Men. Si vous aimez les X-Men, si vous aimez tout cet univers-là, eh bien, TMC vous propose X-Men, l'affrontement final. Si vous êtes un peu plus sur les reportages policiers ou pas, je vous propose le bloc 11-12 à 21h05 avec appel d'urgence sur TFX. Ou si vous avez déjà vu le reportage, puisque ce n'est pas un inédit, je vous propose Crime sur Énergie 12. Ils seront à Rouen. Ce n'est pas un inédit non plus, mais peut-être ne l'avez-vous pas vu. Merci beaucoup, Adam, pour cette bonne suggestion. Voilà pour ce programme TV. Et si vous voulez, bien sûr, vous pouvez écouter la radio. Il y a également d'excellents programmes, notamment sur Radio Antigone. Et justement, bien sûr. Radio Antigone, quelle heure est-il ? Il est tout pile 19h. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Voici tout de suite un gros point sur l'actualité et c'est avec Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous, il est donc 19h, on va faire ensemble un tour sur l'actualité de ce lundi de Pâques, car nous sommes le 13 avril et à la une ce soir, donc une quatrième allocution d'Emmanuel Macron à suivre d'ici une petite heure depuis le début de l'épidémie de Covid-19, qui est donc prévue ce soir et vous pouvez la suivre sur notre antenne en direct. Le chef de l'État va faire plusieurs annonces, notamment sur une prolongation du confinement. Donc c'est évidemment le volet qui est le plus attendu de cette prise de parole et selon les informations de nos confrères de France Info, je cite, celui-ci sera rallongé au minimum jusqu'au 10 mai, soit une prolongation d'un bon mois, quitte à revoir sa durée à la baisse ou à en moduler en cas de bonnes nouvelles. Le chef de l'État qui devrait également évoquer la date de réouverture des écoles, qui pourrait être repoussée. Il voulait une fermeture jusqu'en septembre et sur la table, mais n'est pas acquise car elle aurait l'inconvénient, je cite, de neutraliser tous les parents susceptibles de pouvoir retravailler. L'enjeu économique est évidemment de taille. La pandémie de la Covid-19 qui fait au moins 114 539 morts dans le monde, un bilan 10 fois plus élevé que celui du H1N1. D'après l'OMS, plus d'1 800 000 cas d'infection au coronavirus ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays selon un comptage de l'agence France Presse. L'Italie a par ailleurs passé le cap des 20 000 morts, on l'a appris ce soir, durant cette épidémie de la Covid-19, selon le dernier bilan des autorités. Il y a eu 536 décès supplémentaires en 24 heures, soit 431 décès supplémentaires hier, ce qui porte le total abyssal à 20 465. Il y a désormais 3260 patients en réanimation contre 3343 hier, soit le 10e jour de baisse. En France, Enzo, avec le confinement, c'est en tout cas ce qui est proposé, le secrétaire général de la CFDT, quant à lui, toute l'intention de demander aux Français de travailler confinement. C'était donc une piste du MEDEF et du gouvernement. Yverrier, le secrétaire général de FO, trouve l'idée d'un report de congé de la suppression de RTT choquante et même déplacée. Avec l'effondrement en cours du baril de pétrole du fait de l'épidémie de la Covid-19, les principaux pays exportateurs se sont accordés hier sur une baisse de production du emploi historique. Enfin, rapidement, avant de refermer cette édition, un coup d'œil à vos prévisions météo qui seront, selon Météo France, toujours au beau fixe demain, mais c'est probablement un peu plus frais, température entre 10 et 17 degrés demain, autour de sa métropole. L'info revient à l'histoire spéciale autour de l'élocution de Macron. Bonne soirée sur Radio Antigone et avec la case du soir. Merci beaucoup Antoine pour ce point très complet sur l'actualité. La case du soir avec votre case talk continue tout de suite sur Radio Antigone. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case talk d'Enzo. Et oui. C'est moi qui ne sais pas lire, je n'arrivais pas à trouver le bed. Voilà, vous êtes bien sur Radio Antigone. La radio des bugs, non pardon, je m'excuse, la radio à vif. Bienvenue, merci d'être sur Radio Antigone. Votre case du soir continue avec la case d'avant dans quelques instants. À 19h30, un nouveau point sur l'actualité. 19h40, la chronique d'Adam. Et puis après, nous serons en édition spéciale jusqu'après l'allocution d'Emmanuel Macron, que nous écouterons en direct dès 20h02. En direct, bien, je viens de le dire. Voilà, je me répète, ce serait bien. Sur Radio Antigone. Au niveau musique, dans quelques minutes, dans quelques instants, corps de Huron avec Vide Noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Fish Back avec un autre que moi qui arrive. On pourra écouter aussi Franz Ferdinand, voilà, de la bonne musique que vous avez l'habitude d'entendre sur Radio Antigone. Toute l'équipe est toujours là. Antoine, Adam, bonjour, un petit mot à dire. Bonjour. Un petit mot à dire. Re. Voilà. Non, mais plus que des quelques petits mots. Non, vous n'avez bonjour, rien. Bonjour. Voilà, quelques petits mots sur. Je peux parler, mais pour dire quoi? ça me suffit en fait. Ah d'accord, bah très bien. Écoute. Ah si, je peux dire qu'il fait beau et que voilà et que la vie est belle et la vie est douce. Et d'ailleurs, Quotidien démarre à 19h45 en direct ce soir. Je vais nous lâcher avant, vous pouvez aller regarder Quotidien. Mais oui. C'est vrai. Mais voilà. Et en tout cas, maintenant, merci Antoine d'avoir comblé, puisque la prochaine musique est prête. Voilà. J'adore combler. Oui, c'était ma petite technique, parce que du coup, rien n'était prêt. Nous excusons encore des problèmes techniques qui sont survenus de 18h à 18h50. Vous êtes dans votre case du soir qui continue jusqu'à environ 20h30, avec la case d'avant dans quelques instants, juste après Lord Huron avec Vite Noir sur Radio Antigone, la radio à vif et la radio des bons tubes. Vite Noir, c'était Lord Huron sur Radio Antigone, la radio à vif. La case du soir. À suivre sur Radio Antigone, Fishback avec un autre que moi et Franz Ferdinand également dans une quinzaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure de la case d'avant. Radio Antigone. La case d'avant. Alors, normalement, la case d'avant, c'est aux alentours de 18h42. Là, nous sommes donc en retard, mais ce n'est rien. Je vous rappelle le principe. Nous écoutons les titres d'un journal d'il y a quelques années et nous en parlons ensuite afin de voir ce qui a changé depuis et en débattre tous ensemble. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à vous rendre sur Twitter et à tweeter via le hashtag LCDS. Aujourd'hui, nous voyageons jusqu'en 1987 avec le journal de 20h de France 2 du 13 avril 1987. Et c'était encore une fois présenté par Claude Sérillon. Vous avez réduit le générique parce qu'il est très très long. Mais non, il est bien. Les incidents dans les centrales nucléaires de Pierrelatte et puis celle de Creys-Malville provoquent une polémique sur le coût, sur la sécurité et sur la nécessité d'arrêter ou non le surgénérateur Superphénix. Un étudiant palestinien tué en Cisjordanie dans un affrontement avec l'armée israélienne, série de violences en territoire occupé après la mort samedi soir d'une mère de famille israélienne. Nouvelle vague d'autoroutes en France d'ici 8 ans, 1500 km supplémentaires pour 2 milliards de francs. Aujourd'hui, lundi 13 avril 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Voilà pour ces titres de l'actualité. Super, mon ordinateur vient de s'éteindre par manque de batterie. Ce n'est rien. Alors aujourd'hui, je vous propose de ne pas étudier tous les sujets. Mais le premier sujet, notamment, on a déjà évoqué les centrales nucléaires. Alors du coup, j'ai plus du tout les questions que je allais vous poser. Bah, mais... Je voulais parler autoroute, mais... Ce n'est rien, mais c'est prévu. J'ai écrit un beau texte sur tout, et puis je vais pas pouvoir le faire. Ça me... Ah ! Je peux prendre le relais si tu veux. Je l'ai le texte. Vas-y, tu l'as. Vas-y. Je sais plus si on parlait des centrales ou pas, en fait. Je t'avoue. Donc, comme disait Enzo, aujourd'hui nous n'allons pas évoquer tous les titres. Il a fait une petite sélection des titres dont nous allons parler, notamment pour ne pas débattre sur des actualités semblables à chaque fois. Tout ça, c'est déjà dit. Mais on va commencer d'abord avec une polémique qui a fait parler en 1987. C'est celle du coût et de la dangerosité des centrales nucléaires. Ce débat, on ne se le cache pas, il revient souvent. D'où la question d'Enzo, un débat sans fin. Eh oui. Est-ce que c'est un débat sans fin ou en tout cas sans fin tant qu'il y a encore des centrales ? Le nucléaire, de toute façon, c'est un peu une problème. Le problème du nucléaire, si on l'avait vu avec Fessenheim qui va enfin fermer, bah, manque de bol, elle va enfin fermer. Mais le truc, c'est que toute l'économie qui est autour, eh ben, en fait, on n'avait pas pensé à... Pourquoi du comment, et on se retrouve là en 2020 avec encore des zones qui vont être abandonnées parce que on n'arrive pas à voir plus loin que le bout de notre nez et on sait pas déjà. On sait pas quoi faire du nucléaire. On sait pas quoi faire des régions où il y aura plus de nucléaire. On sait pas comment redynamiser l'économie dans un pays qui est quand même plutôt centralisé autour de Paris et des grandes métropoles. Et là, le nucléaire, toujours est-il que c'est un joli bordel. Un joli bazar qui n'est très certainement pas terminé. On en entendra encore parler pendant au moins une dizaine d'années, je pense. Et même après, après la fermeture, quand on parlera de tous les déchets ou de la décontamination des zones, on en parlera très certainement encore et même peut-être dans 200 ans, quand des choses ressortiront de ces anciennes centrales, peut-être. Sans être pessimiste, bien sûr, hein. Êtes-vous là ? Êtes-vous là ? Je crois qu'ils ne sont pas là. Est-ce que vous m'entendez, les garçons ? Super. Ah bon, super. Vous m'entendez ? Allô ? Allô, bonjour. Allô, bonjour messieurs, dames. Très bien, alors je sais pas pourquoi je m'embête à continuer. Vous êtes sur Radio Antigone, c'est la radio à vif. Je vous propose... Eh ben moi je ne vous entends pas. Mais alors totalement pas. Je vous redonne... Je vais essayer de réactiver vos micros pendant que j'explique le texte suivant. pas le texte. Le sujet suivant, c'était les autoroutes, 1500 km en plus en 8 ans, c'était le projet, ce qui fait environ 400 millions d'euros. Depuis, il y a eu d'autres travaux et encore plus de kilomètres construits. Question toute bête, mais qui est très très compliquée au niveau de la réponse. Y en a-t-il trop, pas assez, ou est-ce qu'il y en a juste le bon nombre? Et je vous retrouve dans 30 secondes, les garçons. Peut-être. Bon, super. Alors, attendez, hein, j'arrive. Quand rien ne va, rien ne va. Voilà, ça c'est clair. Alors là, il va y avoir... Et du coup, ils veulent la passer en autoroute. Un écho, ça y est, on vous entend. On vous entend, vous êtes de retour. Allô ? Ouais, enfin. Alors, pour en venir aux autoroutes, mon cher Enzo et mon cher Adam, exemple typique, en 2020, déjà à l'époque, on disait, tiens, et si on faisait une autoroute Paris, Vierzon, Toulouse, qui est maintenant l'autoroute A20, qui est l'une des rares autoroutes gratuites en tant que telle, avec Clermont, Clermont-Béziers, qui est la 75. En 2020, Limoges et Poitiers, où en gros, ce sont nos autoroutes à péage, alors qu'il y a une voie ferrée qui est dans un état lamentable, qui demande qu'à être renouvelée et améliorée. Est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord penser, même si c'est un gros mot, de penser service public, de penser rail, parce que le rail, c'est beaucoup plus sûr qu'une voiture, ça contient beaucoup plus de gens, c'est moins polluant, et en plus, ça coûte moins cher. Donc, ce serait peut-être pas plus mal, même s'il y a encore des cas compliqués qu'il faut finir, comme la route Centre-Europe-Atlantique et la route de la mort, comme beaucoup l'appellent. Ça, c'est des routes qui sont évidemment majeures et qu'il faut rénover de fond en comble. Mais là, à l'heure actuelle, sur les relations transversales, déjà en France, parce qu'il n'y a pas que nord-sud, il y a transversale, on a la 85, on a la 89, on a la 9, on a pas mal d'autoroutes transversales. Il manque peut-être encore un maillon entre Bourges et Auxerre, à peu près, ou trois, pour faire une sorte de grande rocade autour de Paris. Mais à part ça, en France actuellement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il faudrait peut-être plutôt penser train, même si à l'époque, le train, on était encore au développement du TGV, il y avait encore des relations corail qui étaient abyssales, et c'était vachement bien. Même si le corail, maintenant, on l'a appris aujourd'hui, va être supprimé. Enfin, le corail en lui-même, pas l'intercession. Est-ce que l'État ne pourrait pas plutôt faire du routage du transport par train plutôt que de développer de l'autoroute qui pollue à mort, alors que rénover des voies ferrées, ça coûte moins cher, et surtout, on va pas se mentir, le train c'est plus sûr et ça coûte moins cher même à créer. Après, est-ce que le matériel est suffisant en France? Est-ce qu'il faudrait pas faire une grosse commande? Ça, c'est un autre détail, une autre question à laquelle on ne pourra pas répondre pour l'instant. Eh ben merci à vous deux. On va passer tout de suite à une autre année. On va voyager en 2005, le 13 avril 2005. Et il y a des sujets qui m'ont interpellé et qui ont matière à discuter. La ville continue de grignoter la campagne, c'est le constat d'une grande étude menée à partir de photos satellites. Les prairies et les bocages reculent, le bâti et les infrastructures ont progressé de 5% en 10 ans. Un plan pour relancer l'apprentissage, trop souvent mal jugé et qui décline depuis une dizaine d'années. Le gouvernement y voit un gisement d'emploi. Il annonce une amélioration du statut d'apprenti et lance une campagne de promotion. Et pour l'anecdote, c'est David Pujadas qui a remplacé Claude Sérillon qui avait été viré en 2001. C'est très drôle de changer les deux à la queue. D'accord. L'urbanisation, donc, c'est un terme qui revient sur ce journal, qui est entré dans les livres d'histoire. De nombreux chapitres sont basés sur ce phénomène. Mais est-ce que ce phénomène, d'urbanisation est dangereux? Antoine? Je crois. Non plus rien. Antoine? Oui, je crois qu'on a un petit souci de liaison. Ah. Très bien. Donc Antoine n'est plus là, il va revenir, on l'espère. Voilà. Alors, pour moi, l'urbanisation, bien sûr, il y a des dangers. Ça conduit à beaucoup de choses qui nous facilitent la vie, le confort. Et j'avoue que comme on nous l'apprend dans le système scolaire, alors même si on nous montre les effets négatifs, ça nous met quand même beaucoup en valeur les effets positifs et pour nous dire que c'est dans le sens que c'est normal et que c'est obligatoire. Mais alors moi la question que je me pose c'est est-ce que on a vraiment obligé d'urbaniser comme ça pour parfois des choses qui n'ont pas beaucoup d'utilité ou est-ce que on pourrait faire autrement? Mais bien sûr. Désolé pour le départ, je suis de retour. Il faut que tout le monde puisse se loger, bien sûr. Que tu soulèves, Enzo. Oui, quoi? C'est très intéressant ce que tu soulèves là, Enzo, parce que les questions d'urbanisme ont été des questions qui ont très très très longtemps agité beaucoup de monde. Malheureusement, pas les gens qui décident de ce qui va être fait, où, quand et comment. Il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, les politiques s'intéressaient un minimum à l'architecture autour de l'urbanisme. C'est-à-dire, c'était une théorie globale. Je pense notamment à la ville nouvelle à Évry, où la gare d'Évry-Courcouronnes a été faite avec une gare routière qui était intégrée en centre avec un centre commercial, une mairie. Enfin, c'était vraiment un truc global et tout, même si actuellement ça a très mal vieilli. Je veux dire que la gare d'Évry-Courcouronnes, elle semble plus à grand chose, elle est hyper glauque. L'idée d'urbanisme était globale. Là, à l'heure actuelle, on construit des quartiers, notamment autour de Tours. Voilà, parce qu'on va parler de Tours vu que c'est un peu la maison. Autour de tout, il y a une ville qui s'appelle Saint-Avertin, qui est une ville qui est quand même plutôt riche, où l'urbanisme est complètement anarchique. Il n'y a aucune cohérence, aucune théorie. C'est-à-dire que la mairie, elle est à un bout, le centre culturel, il est à un autre, le château, il est à un autre, et la bibliothèque, elle est encore à l'autre bout. Et pour relier tout ça, les bus, manque de bol, vu que les rues, elles sont ultra escarpées, elles sont petites, en fait, les bus, ils passent peu ou pas. Et le gros délire, c'est que le maire réclame des bus, mais les bus, ils disent, oui, mais nous, on passe où? Il n'y a aucune cohérence. Pareil à Tournord, il y a plein de quartiers qui le tiennent, mais il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a aucun service public qui est prévu, il n'y a rien. C'est complètement anarchique. L'urbanisme en 2020 en France, je dis bien en France, du moins dans les grandes villes qui disent métropole, mais qui n'ont de métropole que l'appellation et pas la réelle politique, il se passe rien. Il n'y a aucune question urbanistique. Et les urbanistes et les architectes, ils se cassent. Il n'y a aucune cohérence, malheureusement. Même, je me rappelle encore, j'ai revu des photos il y a quelques mois de ça, de Tours, quand ils ont construit un centre commercial au nord de la ville qui s'appelle La Petite Arche, qui est toujours ouvert à l'heure actuelle. Il y avait un bowling, une patinoire, un restaurant, et il y avait, alors à l'époque, c'était Mammouth. Donc, ça remonte il y a quand même très longtemps. Mais c'était au milieu d'un champ, dans une zone qui était appelée à se développer avec des commerces, des maisons, mais ils avaient déjà prévu déjà des corridors de transport en commun. Les rues qui sont toujours des grandes voies à quatre voies arborées et tout. Là, à l'heure actuelle, on pond des centres commerciaux à peu près là où on trouve de la place. Puis le reste, on s'en fout. Et c'est un véritable problème. Et j'arrête de parler parce que là, j'ai parlé pendant 25 minutes. Parce que nous avons tout pile 2 minutes pour le dernier sujet, Adam. Et le dernier sujet du jour, c'est celui de l'apprentissage. C'est l'éternelle volonté des différents gouvernements. Redonner de l'attirance à ce mode d'étude. À chaque fois, rien ou presque ne change vraiment. Une question m'est donc venue à l'esprit. Y aura-t-il un jour des changements ou ne faudrait-il pas repartir de zéro plutôt que de ne faire que des changements? Alors là, mon pauvre. Moi, le sujet va être vite fait, on va pas être en retard. Pour une fois. Pas en retard. Oui, il y en a quand même eu une heure, mais... Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'apprentissage? Tu dois souvent en avoir entendu parler parce que tu as connu plus de gouvernements que nous. Mais moi, je sais que... Oui, largement. Les 3 gouvernements que j'ai connus, un ou deux de Chirac, 1,5 de Chirac, 1 de Nicolas Sarkozy, et... Ah ben non, 4 du coup. 1 de François Hollande et 1 de Monsieur Macron, le sujet revient à chaque fois. Bah, puis travaillons également dans l'enseignement professionnel. Je connais un petit peu la maison. Clairement, l'apprentissage, ça a toujours été le parent pauvre de toute politique de l'éducation. Que ce soit en 95 ou en 2005 ou en 2015 ou en 2020, l'apprentissage, c'est une voie clairement de sortie. Malheureusement, c'est un peu en gros, comment dire, faire un CAP ou aller au CFA, c'est presque honteux, visiblement. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est honteux. Alors que, mine de rien, souvent, ce qui est pas mal avec l'apprentissage, c'est le principe, c'est que t'apprends. C'est-à-dire que t'es payé, donc ça peut motiver des gamins qui ont du mal, évidemment, avec l'enseignement scolaire classique. Et c'est pas parce que t'apprends sur le tas à 14 ans ou à 16 ans, t'es forcément plus con qu'un autre. Au contraire. C'est-à-dire que t'as quand même les capacités pour arriver à apprendre un métier alors que t'es vachement jeune. Et ça, effectivement, moi qui viens d'une filière générale tout à fait classique, j'étais à la fac et tout ça là, effectivement, je n'ai pas d'expérience concrète de vécu. Par contre, des gamins, j'en vois tous les jours quand le lycée est ouvert, parce qu'on fait aussi CFA, clairement, c'est pas ceux qui ont les pires résultats. Bien au contraire. Certes, ils ont des comportements qu'on peut qualifier de régression par rapport à leur comportement. Mais par contre, quand il y a des résultats et les patrons vous le disent, vos gamins, ils sont top, ils ont la motivation. Ce qui n'est pas le cas des gamins qui vivent une scolarité classique, forcément. Et encore, pour être parti en apprentissage en début d'année, bon, ça a duré 2 jours, tu soulevais déjà que la paye allait peut-être motiver un peu plus. Je vais parler pour mon cas, pour les gens qui sont dans mon cas et qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément voulu ça, qui ont fait ça par défaut, parce que le scolaire ça ne marchait plus. Pourtant, j'étais pas plus con qu'un autre ou quoi, mais le scolaire ça ne marchait plus. Et par défaut, on m'a dit va en apprentissage. Et en fait, la paye n'a motivé en rien, et j'en ai tiré une très mauvaise expérience, et je suis parti au bout de 2 jours. Effectivement, coup, ça mérite. Tu es avec nous ce soir, là, c'est bien aussi. Ça mérite une réflexion poussée, je pense. On pourra se faire une émission. En fait, là est le souci, c'est que même au niveau des écoles. C'est l'apprentissage, en fait, c'est comme la poubelle où on met les élèves qu'on n'a plus envie de s'occuper. Alors que pourtant, ça peut être techniquement d'apprendre en faisant, ça devrait être l'endroit où on a les meilleures compétences parce qu'on apprend en faisant le métier. Oui. Donc techniquement, on devrait être encore meilleur. Mais malheureusement, effectivement, dans la pensée des gens, ça reste. Ça mérite effectivement une réflexion et nous n'avons pas le temps. Vous entendez depuis quelques instants, depuis 2 minutes, une musique, un fond musical est en cours. Eh bien, vous savez quoi? On va se le laisser après le journal parce que du coup, il est quasiment 19h30. On va pas mettre la musique à 19h30 pour qu'elle se termine à 19h30 parce que ce n'est pas possible. Donc, on va directement passer très rapidement au journal, je pense. Le temps d'avoir ah oui mais oui radio le temps coup, horaire. J'allais préparer des choses pendant la musique mais du coup ce n'est pas possible donc ce n'est rien oui le temps horaire bon je vais prendre le temps pendant le journal si tu veux je prends le temps ben oui non mais c'est tout bon et ben il est tout pile 19h30. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Allez travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Allez chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Radio Antigone. Radio Antigone. Vous êtes sur Radio Antigone, il est donc 19h30, 19h31 même. Nous allons retrouver notre cher Antoine qui va nous faire un point sur l'actualité. Bonjour Antoine, le générique arrive. Eh ben allez, si. Bonsoir Antoine, voici un point sur l'actualité. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. À 19h31, donc ce lundi de Pâques, l'actualité ce soir, c'est donc la quatrième allocution d'Emmanuel Macron depuis le début de l'épidémie de la Covid-19 qui est prévue à 20h02 ce soir. Vous pourrez d'ailleurs la suivre en direct sur notre antenne, édition spéciale à suivre dans quelques instants. Le chef de l'État doit faire plusieurs annonces, notamment sur une prolongation du confinement. C'est le volet qui est sans doute le plus attendu de cette prise de parole ce soir. Et selon nos informations et celles de nos confrères de France Info, ce confinement sera rallongé au minimum jusqu'au 10 mai, sous une prolongation d'un bon mois, quitte à revoir ensuite sa durée à la baisse ou à en moduler la durée et les régions en cas de bonnes nouvelles. Le chef de l'État Macron devrait également évoquer la réouverture des écoles qui pourrait être repoussée. L'hypothèse d'une fermeture jusqu'en septembre est sur la table mais n'est pas acquise pour l'instant, car elle aurait, je cite, « l'inconvénient de neutraliser tous les parents susceptibles de pouvoir retravailler. L'enjeu économique est ainsi de taille. » Au jour d'aujourd'hui, la France recense 14 393 morts, dont 9 253 à l'hôpital, 310 de plus dans les dernières 24 heures et 5 140 dans les maisons de retraite et fameux EHPAD. Le reste de l'actualité, c'est donc évidemment la pandémie de la Covid-19 qui a fait au moins 114 000 morts dans le monde, un bilan 10 fois plus élevé que celui du H1N1, la célèbre grippe. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1 853 000 cas d'infection au coronavirus ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires, selon un comptage global de l'agence France Presse. L'Italie a ainsi passé le cap des 20 000 morts durant cette épidémie, selon le dernier bilan des autorités italiennes. Dans la botte, il y a eu ainsi 566 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le total à 20 465. Désormais 3260 patients en réanimation contre 3343 hier, et d'autres sur les niveaux de baisse. Retour en France avec l'idée du MEDEC et du gouvernement, celle de demander aux Français de travailler plus à la sortie du confinement. Plus de travail et moins de RTT après le confinement, le secrétaire général de la CFDT, le célèbre Laurent Berger, a jugé cette idée totalement indécente de demander aux Français de travailler plus, tandis que Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, également un autre syndicat, trouve quant à lui l'idée d'un report de congé et la suppression des reports du temps de travail choquante et déplacée. Avec l'effondrement du cours du baril de pétrole du fait de l'épidémie de Covid-19, les principaux pays exportateurs de pétrole se sont accordés hier soir sur une baisse de production d'une ampleur historique. Cela évidemment en lien avec le parallèle fait avec la baisse drastique des cours du pétrole et des prix à la pompe. Enfin, culture, on l'a appris aujourd'hui. Le festival Solidays, organisé par Solidarité Sida, sera annulé malheureusement. C'est l'épidémie de la Covid-19. Avant de refermer ce flash, un coup d'œil à vos prévisions météo de demain, qui seront, selon Météo France, toujours au beau fixe, même s'il sera probablement un petit peu plus frais. Température entre 10 et 17 degrés demain sur la métropole de Tours. La formation revient tout de suite avec une édition spéciale autour de l'élection du président Macron. Je vous souhaite une très bonne soirée avec Enzo et la suite de la case du soir, non pas de l'équipe du soir sur Radio Antigone. Merci d'être avec nous et restez chez vous. Merci beaucoup Antoine pour ce point très complet sur toute l'actualité de cette soirée du lundi 13 avril 2020. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case Talk d'Enzo. Case Talk qui est aujourd'hui allongée, puis qui reste même la case du soir, oui, plutôt une case du soir allongée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 ou 20h45 en fonction de la durée de l'allocution d'Emmanuel Macron. Justement, il s'exprime à 20h02 précise, d'où notre agrandissement de notre émission ce soir. Nous passons donc en édition spéciale. Nous sommes toujours avec Adam. Bonsoir. Bonsoir Adam, tu as une chronique dans 4 minutes, quel est le programme ? Dans 4 minutes, avec un petit changement de programme si vous me le permettez bien. J'avais prévu de vous parler un petit peu des rumeurs autour de cette allocution ce soir. Et puis en fait, j'ai vu apparaître dans les top tweets en France le hashtag Macron20h2. C'est une partie de rire. Je vais vous lire les meilleurs tweets que j'ai trouvés. Pablo Mira est avec nous. Donc je suppose que Antoine, qui est également avec nous, qui est encore là, reste encore quelques minutes avec nous. Oui, je reste encore un petit peu, mais c'est surtout pour écouter. Hein. Bah oui, c'est bien pour ça que je dis, je pensais bien. Eh bien, dans quelques minutes, qu'est-ce qui arrive au niveau musique ? Franz Ferdinand Musique, bah ça c'est tout de suite, pardon, donc c'est plutôt faux avec Coq Music Smart Music. Et puis nous aurons aussi, si je retrouve, si j'ouvre Pronote, ça ne va pas. Ah oui, Pronote, non, ça va pas. Fishback qui arrive également. Et donc la chronique d'Adam, c'est juste après Franz Ferdinand avec Ulysse sur Radio Antigone en édition spéciale toute cette soirée. Vous êtes sur Radio Antigone et vous avez bien raison. C'était Franz Ferdinand avec Ulysse dans quelques minutes. Fauve, il y aura aussi Fishback. La case du soir. Pour l'instant, 19h40, miracle, nous sommes à l'heure. Alléluia. Ouais, je le dis souvent, j'ai l'impression. Nous sommes toujours avec Adam. Alors, je t'avais préparé un jingle très qualitatif, mais visiblement, il ne veut pas venir. Eh bien, tant pis pour lui. Hein, il n'y aura pas de jingle. Voilà, tu vas nous parler de Twitter par rapport à l'allocution d'Emmanuel Macron de ce soir à 20h02 tout pile. Mais oui Enzo, j'allais vous parler des fameuses rumeurs, des rumeurs folles qu'on voit sur ces réseaux sociaux qui se déchaînent avec le hashtag Macron20h02. On comprend déjà ce qui cloche. Et j'avais envie de commencer cette chronique avec un sondage de l'Institut au pif. Déjà, le nom ne donne pas beaucoup confiance. Oui, il nous dit que les Français sont très partagés sur la durée de prolongation du confinement. Ils nous ont fait un petit camembert pour y voir plus clair. Dans ce sondage, on voit que 40% des Français disent que le confinement va être prolongé 2 semaines. Je te coupe 30 secondes. Sont plus sur 14 jours. Tu nous as dit une très belle parole. Tu nous as dit un camembert pour y voir plus clair, puisqu'effectivement, avec un camembert... Ah mince, j'ai perdu mon effet sonore. Oh non ! Oh non, non ! Avec un camembert... Bon, il est où ? Il est où celui-là, le petit malin ? Avec un camembert... Et bien sûr, le jingle n'est pas sorti au bon endroit. Très bien, bah je t'ai coupé pour rire. Vas-y, continue. Voilà, merci. Donc je disais que 40% des Français se tournaient plus vers une prolongation de 2 semaines. 34% voyaient plus une prolongation de 14 jours. Tandis que 26% des Français, eux, s'imaginent une prolongation du confinement de 336 heures. Alors, 336 heures, et ils le sortent d'où, c'est 336 heures, pourquoi pas 335? Et bah ça, faudra demander à l'Institut au pif. Je vous le rappelle, l'Institut au pif, qui est l'Institut des observations et prévisions incroyablement fiables. D'accord, très bien. On sent déjà. Merci. Eh bien, on très sent bien. Déjà. Autre chose, et bah... Cédric Dozeron qui nous demande si on est prêt pour ce soir. Il nous a préparé un petit apéro bingo avec Macron. Je vous enverrai ça sur ma, je vous enverrai ça sur le Discord, mais c'est assez drôle. Si Macron prononce coronavirus, on prend une gorgée. S'il prononce guerre ou au front, on prend 2 gorgées. Enfin, voilà. Très bien. Oui. C'est assez drôle. Il faudrait appeler les pompiers pour venir les chercher tout de suite en fait. Alors il risque effectivement de prononcer. Alors est-ce qu'il va redire qu'on est en guerre, ça rien n'est sûr. Est-ce que tu as une autre petite citation, nous venons de Twitter. Ah ben oui, mais j'en ai plein, je te dirai quand c'est fini, t'inquiète pas, j'ai de quoi tenir. Par exemple, que je ne compte plus les nombres de tweets avec Macron avec un jeu de Uno plein de plus 4 dans la main. L'allocution de Macron en avant-première, nous dit Pierre. Un jeu plein de plus 4. En gros, nous allons souffrir. Je les compte plus. Tu nous en fais une petite dernière, là. Mon tweet, c'est son nom. Oui. Tu nous en fais une petite dernière tout de suite, avant un peu de musique. Eh ben, écoutez, une petite dernière, attendez, que je vous sélectionne. On en remettra d'autres après, hein, mais juste une petite musique entre temps, voilà. Eh ben, écoute, je vais vous parler du tweet de ceci et mon tweet. Voilà, nom déjà très évocateur. Qui nous cite en avance Macron, disant, et par mesure de sécurité, la présidentielle 2022 est reportée à 2042. Effectivement, elle est pas mal celle-là pour terminer. C'est une... Oui, elle est pas mal, elle est bien. Eh bien, merci beaucoup, Adam. T'en as encore en réserve, donc on te retrouve dans quelques minutes pour nous en faire un peu. Eh ben oui, pourquoi pas. Parfait. Bon, vous entendez de la musique derrière moi. C'est normal, vous êtes sur Radio Antigone. Mais oui, vous entendez de la musique. Vous ne pouvez être que sur Radio Antigone, d'autant plus si c'est de la bonne musique. Effectivement, c'est Fishback avec un autre que moi sur Radio Antigone, juste avant l'allocution d'Emmanuel Macron. Bienvenue sur la radio à vif. Élancé comme une panthère. Fishback avec un autre que moi sur Radio Antigone. Dans quelques minutes, Clara Luciani arrive, elle débarque, elle sera nue. Et dans quelques minutes également, Fauve avec Coq Musique. Si je pensais faire cette des annonces un jour, Adam, pardon, tu m'as demandé de mettre un jingle spécial info, puisque tu as une actualité. Info de dernière minute, oui. Non mais on vient d'apprendre ça tout de suite maintenant, info de dernière minute. On apprend maintenant que Tristan est prêt à jouer à l'apéro bingo avec Macron. Merci comme quoi. Beaucoup, Adam. On continue aussi cette tournée des tweets, vous voyez, ça arrive de partout, et on apprend que Macron a décidé que comme nous ne travaillerons pas, comme la rumeur le dit, 60 heures, mais d'après Monsieur Fripon, nous travaillerons... Ça a coupé juste quand tu as dit le chiffre. Alors... Je reprends. C'est Monsieur Fripon qui nous dit que Macron nous annoncera que nous ne travaillerons pas 60 heures par semaine, puisqu'il a accepté la proposition de la CFDT de limiter le temps de travail à 59h30. Très bonne idée. Est-ce que tu en as encore un à autre? Le Macron 20h02 est top tweet, et d'ailleurs Macron s'exprime dans 12 minutes tout pile. Voilà Enzo. Très bien, merci. Alors dans quelques minutes, il nous reste 10 minutes, dans 10 minutes tout pile, juste avant qu'Emmanuel Macron s'exprime, on fera un point sur l'actualité, un point spécial sur les chiffres, les derniers chiffres tombés il y a à peine une minute du coronavirus, les derniers chiffres malheureux, le dernier bilan, on aura un peu de... au niveau de musique, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le grand patron m'a autorisé à diffuser? Du Muse et du U2, je vous trouve ça, j'essaie de vous caler ça rapidement. Alors peut-être pas là, avant l'allocution d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, ça arrivera dès que possible tout de suite. C'est donc Fauve avec Coq Musique, Smart Musique. Ça dure 5 minutes, ah oui quand même. Et c'est sur Radio Antigone, la radio à vif. Petit moment de détente avant l'allocution d'Emmanuel Macron. Il me disait comme ça... Pardon, excusez-moi, vous êtes sur Radio Antigone, c'est de la bonne musique que vous entendez dans 5 minutes, oui, un peu plus de 5 minutes, oui, à peu près 7 minutes. Nous allons suivre en direct tous ensemble l'allocution d'Emmanuel Macron. Que va-t-il annoncer? Prolongement du confinement, ce qui est très probable. Nouvelles mesures, peut-être. Nous suivrons en direct cette allocution, mais tout de suite sur Radio Antigone. et Clara Luciani avec nous. Bienvenue à tous. Je rêve, pense-moi pour voir. Clara Luciani, nu sur Radio Antigone. Radio Antigone. La météo. La météo, effectivement, avant d'écouter la locution d'Emmanuel Macron et de faire un point sur l'actualité à 19h tout pile. Ce soir, le temps devrait rester assez calme sur la majeure partie de la France, hormis sur le sud. Notamment en Occitanie, où il devrait pleuvoir, les températures devraient avoisiner les 12 degrés. Bon, on est toutes sur la dernière barre sud, hein, les 100 derniers kilomètres du sud, puisque ça touche toute la Corse. Il y a une ligne comme ça où il pleuvra normalement la nuit. Et puis, plus vous montez vers le nord, plus ça se dégagera, moins il y aura de nuages, et plus vous verrez la lune. Demain, au programme, si ça arrive, mais oui, peut-être... Demain, il y aura du soleil quasiment partout, quelques nuages dans le nord de la France et de la pluie, malheureusement, sur la Corse, avec des températures qui avoisineront tout de même les 18 degrés. À Paris, vous pourrez trouver des températures qui seront de 13 degrés, 20 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes, 15 degrés à Besançon et aux alentours de 17 degrés vers Tours. Voilà pour ce point sur l'actualité. Emmanuel Macron s'exprime dans 2 minutes 30. Il est donc 19h59, presque 20h. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. L'heure de faire un point sur l'actualité. Et c'est avec Adam Le Fur. Bonsoir Adam. Bonsoir Enzo. Une quatrième allocution d'Emmanuel Macron depuis le début de l'épidémie est prévue dans quelques minutes. Ce sera à suivre sur Radio Antigone, notamment plusieurs annonces attendues, notamment la prolongation du confinement. On verra ça à 20h02. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 114 539 morts dans le monde, un bilan 10 fois plus élevé que celui du H1N1 selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Plus d'1 853 000 cas d'infection au coronavirus ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Du côté de la France, 98 076 cas confirmés, 188 morts en milieu hospitalier, 5 379 morts en EHPAD, 32 113 personnes hospitalisées, 6 821 personnes en réanimation, c'est 24 personnes de moins qu'il y a 24 heures, et 27 778 personnes guéries et sorties de l'hôpital, plus 532 en 24 heures. Plus de travail et moins de RTT après le confinement, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a jugé totalement indécent de demander aux Français de travailler plus à la sortie du confinement, une piste du MEDEF et du gouvernement. Yves Derrier, secrétaire général de Force Ouvrière, trouve l'idée d'un report de congés et de suppression de RTT choquante et déplacée. Et puis enfin, après l'effondrement du cours de baril de pétrole du fait de l'épidémie de Covid-19, les principaux pays exportateurs se sont accordés hier sur une baisse de production d'une ampleur historique. Dans quelques instants, l'allocution d'Emmanuel Macron à suivre sur Radio Antigone. C'est à vous, Enzo. Merci beaucoup Adam pour ce point très complet sur l'actualité. Emmanuel Macron va donc s'exprimer d'une minute à l'autre. Il est 20h02 tout pile, l'heure à laquelle nous devrions rejoindre l'Élysée en direct. Emmanuel Macron qui annoncera très certainement de nouvelles mesures, un prolongement du confinement. Peut-être, ça c'est ce qui est le plus probable, on verra au niveau des mesures. On ne se fait pas trop d'illusions concernant des dates pour le système scolaire. Certains parlent notamment des... des sources de France Info parlent du 15 mai, je crois, c'est ça, Adam ? Ce n'est rien. En tout cas, on écoute Emmanuel Macron. Le 15 mai, en effet. Vient d'arriver. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes. face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d'autres. Cette période est encore plus difficile à vivre lorsqu'on habite à plusieurs dans un appartement exigu, lorsqu'on ne dispose pas chez soi des moyens de communication nécessaires pour apprendre, se distraire, échanger. Encore plus difficile à vivre lorsque les tensions sont là, que les risques de violence dans la famille scandent le quotidien. Et nous mesurons tous, dans cette période, la solitude et la tristesse de nos aînés. Et pourtant, grâce à nos efforts, chaque jour nous avons progressé. Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les hôpitaux français ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentaient. Ces journées, ces semaines ont été et resteront l'honneur de nos soignants, en ville comme à l'hôpital. Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux, et j'en oublie tellement, aidés par tant de Français qui se sont engagés, tous ont permis à la vie de continuer, au fond. Et chacun d'entre vous, dans ce que j'ai appelé cette troisième ligne, chacun d'entre vous, par votre civisme, en respectant les règles de confinement, grâce aussi à la vigilance de nos policiers et de nos gendarmes, vous avez fait que l'épidémie commence à marquer le pas. Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent. L'espoir renaît. Et je veux ce soir vous remercier très chaleureusement pour ce dévouement et vous dire toute ma reconnaissance. Alors, étions-nous préparés à cette crise ? À l'évidence, pas assez. Mais nous avons fait face. En France, comme partout ailleurs, nous avons donc dû, parer à l'urgence, prendre des décisions difficiles à partir d'informations partielles, souvent changeantes, nous adapter sans cesse. Car ce virus était inconnu et il porte encore aujourd'hui beaucoup de mystères. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s'occupant de nos aînés, pour les infirmières, les aides à domicile. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés. Gouvernement, collectivités locales, industriels, associations, pour produire et pour acquérir le matériel nécessaire. Mais je mesure pleinement que, lorsque l'on est au front, il est difficile d'entendre qu'une pénurie mondiale empêche les livraisons. Les commandes sont désormais passées. Surtout, nos entreprises françaises et nos travailleurs ont répondu présents et une production, comme en temps de guerre, s'est mise en place. Nous avons réouvert des lignes pour produire, nous avons réquisitionné. D'ici 3 semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Ces respirateurs si précieux en réanimation. Grâce à ces efforts, nous saurons faire face. Et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences, en temps voulu, quand il s'agira de nous réorganiser. Ces dernières semaines, soyons aussi juste avec notre pays, ont été marquées par de vraies réussites. Le doublement du nombre de lits en réanimation, ce qui n'avait jamais été atteint. Les coopérations inédites entre l'hôpital, les cliniques privées et la médecine de ville. Le transfert de patients vers les régions les moins touchées, mais aussi vers le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche que je remercie. La mise en place de l'enseignement à distance, l'organisation de chaînes de solidarité dans nos communes, la réussite de tous ceux qui nous ont nourris durant ces semaines, sans rupture, avec engagement. Le rapatriement de plusieurs dizaines de milliers de ressortissants français et européens depuis des pays du monde entier et le soutien aux Français de l'étranger. Très souvent, ce qui semblait impossible depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. Nous avons innové, osé, agi. Au plus près du terrain, beaucoup de solutions ont été trouvées. Nous devrons nous en souvenir, car ce sont autant de forces pour le futur. Mes chers compatriotes, si je tenais à m'adresser à vous ce soir, après avoir largement consulté ces derniers jours, c'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsable, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Je mesure pleinement, en vous le disant, l'effort que je vous demande. Durant les 4 semaines à venir, les règles prévues par le gouvernement devront continuer d'être respectées. Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées ni allégées, mais pleinement appliquées. Je demande à tous nos élus, dont je sais l'importance dans cette période, je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d'aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés là où c'était utile, mais il ne faut pas rajouter des interdits dans la journée. Pour notre vie quotidienne, il faut continuer, lorsque nous sortons, à appliquer les gestes barrières, nous tenir à distance et nous laver les mains. Je veux aussi vous rappeler que tous ceux qui ont une maladie chronique ou souffrent d'autres maladies doivent pouvoir continuer à consulter leur médecin. Car il n'y a pas que le virus qui tue. L'extrême solitude, le renoncement à d'autres soins peuvent être aussi dangereux. Je souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre d'organiser pour les plus proches, avec les bonnes protections, la visite aux malades en fin de vie, afin de pouvoir leur dire adieu. Durant cette phase de confinement, le pays continue à vivre, et heureusement. Certaines activités sont interdites car incompatibles avec les règles sanitaires. Pour tous les autres secteurs économiques, quand la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs est bien garantie, ils doivent pouvoir produire, et ils l'ont largement fait depuis maintenant un mois. Pour eux, tous ceux qui doivent être aidés durant cette période, les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées. Elles sont inédites et protègent d'ores et déjà plus de 8 millions de nos salariés et nombre de nos entreprises. Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le Fonds de solidarité apporte une première réponse. Mais je sais votre angoisse. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Les charges qui continuent de tomber, les traites, les loyers, les emprunts. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides, de les simplifier pour vous permettre de surmonter cette période. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. Et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif. Il y a donc un travail dans les prochains jours à poursuivre pour vous consolider économiquement dans cette période. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi très difficiles. Je veux remercier les maires, les élus locaux, les associations qui se sont fortement mobilisées aux côtés du gouvernement. Et j'ai demandé à celui-ci d'aller plus loin, là aussi, et de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels. Les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer, seront aussi aidés. Dès mercredi, le Conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu'il le faudra. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux, pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C'est la priorité. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées, resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité. Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Je sais que c'est une contrainte forte. Je mesure ce que je vous demande. Et nous allons, d'ici le 11 mai, travailler à rendre ce temps plus supportable pour vous. Mais il faudra essayer de s'y tenir pour vous protéger, pour votre intérêt. Nous aurons, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle pour réussir cette étape. L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D'ici là, et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests faits chaque jour. C'est ce qui, depuis 15 jours, est fait. Durant les semaines à venir, j'ai demandé que ces tests soient d'abord pratiqués sur nos aînés, nos soignants et les plus fragiles. Et que nous puissions continuer de mobiliser partout tous les moyens de faire des tests, c'est-à-dire tous les laboratoires publics et tous les laboratoires privés. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si, oui ou non, l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu parler. Le gouvernement aura à y travailler. Il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre et que les autorités compétentes puissent nous éclairer. Car cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Jusqu'à nouvel ordre, nos frontières avec les pays non européens resteront fermées. Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. En complément des gestes barrières que vous connaissez bien et qu'il vous faudra continuer à appliquer, l'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Ce sera possible grâce à nos importations et grâce à la formidable mobilisation d'entrepreneurs et de salariés partout sur le territoire pour produire massivement ce type de masque. Le gouvernement présentera d'ici 15 jours, sur la base de ses principes, le plan de l'après 11 mai et les détails d'organisation de notre vie quotidienne. Des points de rendez-vous réguliers se tiendront pour que nous puissions adapter les mesures prises et ensemble décider de manière régulière d'ajuster les choses. Alors, à quelle échéance dès lors peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve? Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant? Je sais vos questionnements, je les partage. Ils sont légitimes. J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur chacune de ces questions, mais en toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Aujourd'hui, d'après les premières données qui seront prochainement affinées, par ce qu'on appelle les tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous l'avons eu. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Tout ce que le monde compte de talents, de chercheurs, y travaillent. La France est reconnue en la matière et a d'excellentes ressources. Parce que c'est sans doute la solution la plus sûre, même s'il faudra plusieurs mois au moins pour la mettre en œuvre. Notre pays investira encore plus massivement dans la recherche. Et je porterai dans les prochains jours une initiative avec nombre de nos partenaires, en votre nom, pour accélérer les travaux en cours. La seconde voie, ce sont les traitements. Nous y travaillons depuis le premier jour. Il y a eu, je le sais, beaucoup de débats dans le pays. Toutes les options sont explorées. Et notre pays est celui qui a engagé le plus d'essais cliniques en Europe. J'ai tenu moi-même à comprendre chacune des options possibles, à m'assurer que tout était essayé dans les meilleurs délais et avec rigueur. Il ne s'agit pas de donner un traitement si on n'est pas sûr, mais de procéder à tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient poursuivies. Et croyez-le, nos médecins, nos chercheurs travaillent d'arrache-pied. Aucune piste n'est négligée. Aucune piste ne sera négligée. Je m'y engage. Voilà, ce soir, je partage avec vous ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nous finirons par l'emporter, mais nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus. Avec humilité, il nous faut aujourd'hui décider et agir en tenant compte des incertitudes. Avec lucidité, oui, parce que regardez l'Asie. Le virus semblait avoir été vaincu et il revient dans de nombreux pays qui à nouveau décident de refermer leurs économies. Il nous faut donc procéder avec calme et courage. Mais ce que je sais à ce moment, mes chers compatriotes, c'est que notre nation se tient debout, solidaire, dans un but commun. On disait que nous étions un peuple indiscipliné, et voilà que nous respectons des règles, des disciplines parmi les plus rigoureuses jamais imposées à notre peuple en temps de paix. On disait que nous étions un peuple épuisé, routinier, bien loin de l'élan des fondations. Et voilà que tant d'entre vous rivalisent de dévouement, d'engagement face à l'inattendu de cette menace. Nous voilà tous solidaires, fraternels, unis. Concitoyens d'un pays qui fait face, concitoyens d'un pays qui débat, qui discute, qui continue de vivre sa vie démocratique, mais qui reste uni. Et je veux ce soir partager avec vous, au cœur de l'épreuve, cette fierté. Cette certaine idée qui a fait la France est bien là, vivante et créatrice. Et cela doit nous remplir d'espoir. C'est nous. Durant les semaines à venir, le gouvernement, le Parlement, notre administration, avec nos maires et nos élus locaux, auront à préparer la suite. Pour ce qui me concerne, je tâcherai de porter en Europe notre voix afin d'avoir plus d'unité, de solidarité. Les premières décisions ont été dans le bon sens. Et nous avons beaucoup poussé pour cela, qu'il s'agisse de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne ou des gouvernements. Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace, un moment de refondation. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Oui, nous ne gagnerons jamais seuls, parce qu'aujourd'hui, à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d'un même virus. Alors si notre monde sans doute se fragmentera, il est de notre responsabilité de bâtir dès aujourd'hui des solidarités et des coopérations nouvelles. Il nous reviendra aussi, dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Cela passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche, nos aînés, entre autres. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, Les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Ces quelques évidences s'imposent aujourd'hui à nous, mais ne suffiront pas. Et je reviendrai donc vers vous pour parler de cet après. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru, non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd'hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres, et nous tiendrons. Vive la République, vive la France. Déclaration, allocution en direct d'Emmanuel Macron qui s'exprimait de l'Élysée, une allocution d'environ 27 minutes, pendant lequel... Oula, il y a un écho, ce n'est rien. Adam va parler, pardon Adam, je ne t'entendais pas. Petit débriefing, hein, vous êtes toujours sur Radio Antigone. Emmanuel Macron qui... estime que le confinement durera très certainement jusqu'au 11 mai, mais c'est même confirmé que le confinement sera repoussé jusqu'au 11 mai. Et d'ailleurs, il disait que si le confinement était mal respecté, il pouvait encore être repoussé plus loin. Voilà. Et en précisant, ça c'est étonnant et important, que ça ne voudra pas dire que les lieux publics, restaurants, bars réouvriront à partir de cette date, mais les établissements scolaires devraient réouvrir à partir de cette date, ce qui chamboule un peu tout ce qui avait été dit jusque-là. À l'exception du supérieur qui sera fermé jusqu'à l'été. Effectivement. Alors, depuis le début de la crise, la production de masques a été multipliée par 5, ça c'est ce qu'il précise. Il précise également que 10 000 respirateurs ont été produits depuis le début de cette crise, que des réouvertures de lits ont été faites et que à l'heure actuelle, des commandes de masques ont été passées. Autre chose à retenir aussi, à partir du 11 mai, le pays sera en capacité de tester toute personne ayant un symptôme. Nous aurons aussi accès à une application pour savoir si on a été en contact avec des personnes porteuses du virus. Et chaque personne pourra posséder un masque à partir de la date du 11 mai. Voilà. Et là, on a pu voir un changement de format de phrase. Il a expliqué que l'État devra, donc ça veut dire que il n'est pas sûr qu'il sera possible, l'État devra être en capacité de fournir un masque à chaque français. Il a utilisé ce futur seulement pour cette phrase, ce qui laisse penser qu'il n'est pas sûr que ça serait l'objectif, mais que rien n'est sûr pour ces masques à partir du 11 mai. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Emmanuel Macron a aussi précisé que même s'il sera possible de faire des tests en cas de symptômes, il est hors de question de faire des tests à toute la France, à tous les Français, puisque cela ne servirait selon lui, ou en tout cas selon ce qu'il dit, à rien. Autre citation aussi dans ce discours, Emmanuel Macron a affirmé que nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus, que le moment que nous vivons est un ébranlement, et qu'il y a dans cette crise une chance de nous ressouder et éprouver notre humanité. Effectivement, Emmanuel Macron a continué en disant que, en essayant de renvoyer les mauvaises paroles qui pouvaient dire que les Français étaient, en expliquant tous les côtés négatifs, en opposant avec tout ce qui se passe au niveau de la solidarité actuellement. Je n'ai pas les paroles exactement, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pourtant, les frontières avec les pays non européens sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et les grands festivals sont annulés jusqu'à mi-juillet. Effectivement. Emmanuel Macron, qui a également joué un petit peu sur les sentiments, on va le dire comme ça, il a dit qu'il partageait tous nos questionnements et que lui aussi aimerait pouvoir y répondre. Il a précisé que malheureusement rien ne pouvait être dit précisément, mais que la France était le pays qui avait engagé le plus de recherches, puisqu'il a tenu à ce que beaucoup de recherches soient engagées. Autre chose, autre annonce, les familles modestes avec des enfants et les étudiants précaires seront aidés. Effectivement, voilà pour un petit récapitulatif, un petit débriefing de l'allocution d'Emmanuel Macron, allocution d'un. Et autre chose, Enzo. Vas-y, Adam. Qui m'a fait assez rire au début du discours. C'est cette reconnaissance de la part de Macron sur le respect du confinement, alors qu'on voit depuis plusieurs jours un relâchement des Français sur le confinement, mais Emmanuel Macron en a fait complètement fi. Effectivement, il estime que nous respectons bien et que les Français sont disciplinés. Je crois qu'il a employé un synonyme du mot discipliné pour qualifier les Français. On précise bien sûr qu'au tout début, il a commencé par ça. Hein, il a rappelé la situation. Alors, on va refaire un petit bilan des informations les plus importantes. Emmanuel Macron a commencé avec un petit rappel de la situation. Il a expliqué qu'il était lui aussi inquiet, qu'il comprenait qu'il était compliqué de rester confiné. Il a remercié tout le personnel soignant notamment et tous les autres personnels qui participent à ce que les administrations fonctionnent. Il a avoué que la France n'était pas assez préparée, mais qu'il a fallu s'adapter et que les adaptations ont été bien réussies, mais avoue également qu'il y a eu des failles et des insuffisances. Ça, c'est les mots qu'il a employés. En effet. Voilà, donc... faire un petit bilan, je vous rappelle que nous sommes... vous êtes sur Radio Antigone, la radio à vif. Nous venons de suivre en direct l'allocution d'Emmanuel Macron qui voulait s'exprimer pour, je cite, s'adresser ce soir en toute transparence et expliquer ce qu'il va se passer lors des prochaines semaines. Il a donc précisé qu'il fallait poursuivre nos efforts et appliquer les règles car tout n'est pas gagné. Nous restons encore un peu en édition spéciale. Un point complet... Oui. Adam, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais juste qu'on était là jusqu'à 21h. Très bien, vous êtes sur Radio Antigone, la radio à vif. Merci à tous d'être avec nous, d'avoir suivi avec nous cette allocution. Nous allons faire un rappel complet de la situation dans quelques minutes, de la situation et de tout ce que a pu dire Emmanuel Macron lors de cette allocution d'une trentaine de minutes. Mais avant, je vous propose d'écouter un peu de musique, puisque vous êtes quand même sur Radio Antigone. Nous allons continuer à parler de cette allocution d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, je vous propose d'écouter... Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer comme musique ? On est un peu en... Antoine qui est de retour. Bonsoir Antoine. Coucou. Allô ? Oui, on... Ah, on a... Oui, on a visiblement perdu la liaison avec Enzo. Je suis bien là. Je suis bien là, mais voilà. Apparemment il y a un problème. Là, il y a eu un blanc de plus de 2 minutes à l'antenne, les gars. Eh ben, il n'est pas censé en avoir. Pourquoi ça me fait ça? Je ne sais pas. Alors là, par contre, c'est une interrogation que j'ai. Pourquoi est-ce que ça me fait ça? Parce que là, je viens de... Bah là, j'ai branché le flux à 36. Il n'y avait rien. Eh ben, ça a bugué à l'instant. Effectivement, j'ai plus rien qui s'affiche. Mais là, nous, normalement, nous sommes en ligne. Nous sommes de retour sur Radio Antigone. Nous nous excusons de cette petite coupure. Je ne sais pas depuis quand le flux est coupé, il y a eu un gros blanc à l'antenne et nous en excusons. Nous venons donc de suivre l'allocution d'Emmanuel Macron. Nous allons faire un rapide bilan dans quelques instants sur tout ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Adam, es-tu prêt pour le bilan ou est-ce qu'on fait quelque chose? Alors, je suis là. Je suis prêt, donc tu déjà... es prêt, pardon. Eh bien, juste le temps d'un petit jingle et puis on y va. Nous arrivons, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Peut-être le jingle qui va peut-être venir, je l'espère. Si je prends la bonne chose, voilà. Allez, c'est parti. Non, je vais retrouver. Je n'en peux plus. Bon. Pour ce virus. Je surchauffe, voilà. Radio Antigone. La case du soir. Adam. Le virus, donc. Oui. Vas-y. Un point sur l'actualité et sur l'allocution d'Emmanuel Macron avec Adam Le Fur. On va d'abord parler du coronavirus avec 90 067 cas confirmés. En France, 9588 morts en milieu hospitalier, 5379 morts en EHPAD, 32113 personnes hospitalisées, 6821 en réanimation, moins 24 personnes par rapport à hier, et 27778 personnes guéries de l'hôpital, c'est 532 de plus qu'hier. Aussi, petite information de l'Organisation mondiale de la santé qui nous affirme que le coronavirus a touché 10 fois plus. J'ai un doute sur le chiffre, j'ai pas sous les yeux, donc je vais pas me lancer à l'eau. Mais que le virus a touché bien plus que le H1N1. Et puis, cette allocution d'Emmanuel Macron, dont on a pu suivre en intégralité, sur Radio Antigone, où en gros Emmanuel Macron racontait que le confinement serait repoussé jusqu'au lundi 11 mai et que qu'il y aura des aides déclenchées, qu'également le 11 mai ne réouvriront pas les lieux publics. Les lieux d'études, eux, réouvriront le 11 mai, sauf pour le supérieur qui sera fermé jusqu'à l'été. Les grands festivals, eux, sont annulés jusqu'à mi-juillet. Et chaque personne ayant des un ou plusieurs symptômes du virus pourra être testée à partir du 11 mai. La France essaiera d'équiper chaque Français à cette date d'un masque. Voilà pour l'information. Merci beaucoup Adam pour ce rappel de toute l'actualité de ce soir avec le bilan sur l'allocution d'Emmanuel Macron que vous venez de suivre en direct sur Radio Antigone. Édition spéciale jusqu'à 21h. Nous allons tout de suite basculer sur nos confrères de France Info pour la suite et fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup Adam d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi Enzo. De rien, merci également à Antoine qui a participé à l'émission activement tout à l'heure. Rendez-vous demain dès 17h30 pour la case du soir. Allez, bonne soirée à tous. Toutes les Françaises et tous les Français, sur ça n'aurait aucun sens. Radio Tigone, alors. Mais toute personne ayant un symptôme de faire un raccrochage doit propre. Pouvoir être testée. Les personnes... Donc on va rester à l'antenne quelques minutes. Juste le temps de vous annoncer le programme. Demain, de 17h30 à 18h, c'est la case musicale de Matt. Retour de Matt dès demain. À partir de 18h et jusqu'à 18h30, ça sera la 15 infos d'Antoine. Et de 18h30 à 19h30, c'est la case talk pour la dernière partie de la case du soir. Avec tous vos rendez-vous habituels, bien sûr. On va pas forcément faire un très bon raccrochage sur France Info. Vous allez retrouver Jean-François Aquili dans quelques instants, qui est en plein rendez-vous de ses informés et qui peut-être qu'elle est une musique jusqu'à 20h50. De quoi? Tu as dit quoi? Peut-être qu'elle est une musique jusqu'à 5 ans. Eh ben on fait ça, oui, ça sera mieux parce que ça sera beaucoup plus propre. Adam, qu'est-ce que tu veux comme musique? Allez. Je sais pas, vas-y, mets au hasard la première musique qui tombe sous la main. Bon, alors je reste dans Radio Antigone quand même, hein, dans la playlist d'Antigone. Qu'est-ce que j'ai du Arcade Fire. Allez, je vous propose ça. J'essaie de me placer le plus possible jusqu'à 20h50. Peut-être, voilà. Allez, on commence avec Arcade Fire, tout de suite, c'est Rebellion sur Radio Antigone. Votre édition spéciale continue jusqu'à 21h. Voilà, tout simplement jusqu'à 21h avec la dernière partie des informés à partir de 20h50 sur Radio Antigone. Vous êtes sur Radio Antigone, il est 20h49, l'édition spéciale continue jusqu'à 21h avec les informés de France Info et Jean-François Aquili. Vous êtes toujours sur Radio Antigone, pardon, excusez-moi. Fin de cette édition spéciale consacrée à l'allocution d'Emmanuel Macron. Merci à tous de nous avoir suivis, nous étions ensemble depuis notre émission La Case du Soir qui commence normalement à 18h. Merci beaucoup de nous avoir suivis, rendez-vous sur Radio Antigone demain. Pardon, je cherche mes mots, ça ne va plus. Sur Radio Antigone demain dès 17h30 pour la case musicale demain de Matt, 18h la 15 info d'Antoine, et à 18h30 et jusqu'à 19h30 la case talk. Bien sûr, je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Antigone. Tout de suite, le point sur l'actualité. Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée à tous.